ça reprend. Ton père est bossu, sans faire exprès, j'ai marché sur sa bosse, roule ta bosse. Ton père est bossu, sans faire exprès, j'ai marché sur son cul. Voilà. Elle est partie, c'est moi ça. Si tu la vois, ramène-la moi. Où est-elle? Mon cœur l'appelle. Depuis toujours, j'ai mal d'amour. Sous son charme, c'est elle était parle. Rosalie, elle est partie. Si tu la vois, ramène-la moi. Où est-elle? Mon cœur l'appelle. Depuis toujours, j'ai le mal d'amour. C'est sous son charme. La peur est dans tes larmes. Rosalie, elle est partie. Si tu la vois, ramène-la moi. Où est-elle? Mon cœur l'appelle. Depuis toujours, j'ai le mal d'amour. La bande, est-ce que t'as pas vu la bande? Est-ce que t'as pas vu la bande? Elle est si grande, elle est si grande. Est-ce que t'as pas vu la bande? Est-ce que t'as pas vu que je bande? Est-ce que t'as pas vu que je bande? Elle est si grande, elle est si grande. Si tu veux pas que ta femme t'emmerde, te marie pas, te marie pas. Si tu veux pas que ta femme t'emmerde, te marie pas, te marie pas. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Si tu veux pas que ta femme t'emmerde, te marie pas, te marie pas. Si tu veux pas que ta femme t'emmerde, te marie pas, te marie pas. Les crédits, on te paiera tout ça samedi. Si tu ne veux pas, si tu ne veux pas, verre à boire, donner à boire, on va te choler dans ton comptoir. Le l'homme l'endure, je vais là, c'est copinard. Il rentre tôt, il rentre tard, et c'est toujours notre copinard. Un pêcheur qui partait en Islande, voilà, il partait 6 mois en Islande, voilà, les maris, voilà, deux femmes de marins pêcheurs. Ils partaient là-bas, évidemment, pour ramener le hareng. Le hareng, c'était la tradition de la pêche dunkerquoise ici, qui était énorme, entre Dunkerque et l'Islande. Voilà, le port de Dunkerque était rempli de hareng. Et quand les marins pêcheurs revenaient, s'ils revenaient, certains mouraient, c'était un métier très dur, ils ramenaient le pichon. À Dunkerque, on dit le pichon, c'est le poisson, le hareng. Et le hareng était déversé dans les parapluies des femmes qui retournaient leurs parapluies comme l'ombrelle, comme Guy de Maupassant, une vie, et retournaient les poissons dans le parapluie. Et comme c'était l'offrande, c'était le cadeau, parce que ça nourrissait les Dunkerquois, pour rentrer en Basse-Ville que vous avez vu hier, c'était le quartier des baraquements des marins pêcheurs. Et du port de Dunkerque à la Basse-Ville, ils partaient en chantant et en dansant. Et c'est devenu le carnaval. C'est là l'origine du carnaval. Il y a eu un creux à un moment donné après-guerre, et après, Jean Mine, qui était copinard, un grand embourbageur de Dunkerque, a relancé le carnaval pour devenir ce qu'il est maintenant aujourd'hui, voilà, une institution dunkerquoise. Nous, ça fait partie de nos gènes. Donc, comme une religion, si tu crois, nous on croit à quoi? Au carnaval, évidemment. De Dunkerque, à la cité Jean-Bart. Nous, on est croyants de la cité Jean-Bart, d'une certaine manière, pour faire un syllogisme avec la religion. Moi, j'arrive à bien parler quand même, je suis pas bourré. Oh non, mais voilà, voilà. Mais c'est ça, il a raison. C'est comme une religion. Nous, c'est... Saint-Étienne, c'est les Verts. Allez, les Verts. Ben, nous, c'est le carnaval, bleu et blanc. Et nous, on est là-dedans. Trois Joyeuses, madame, elle peut dire, viens en Laponie, non? On partira après, mais voilà. Pas pendant. Hein, on est d'accord. Moi toujours. Hein. Moi, dans mon contrat avant, dans mon contrat de mariage, j'avais deux contrats, le vrai et le contrat de mariage dunkerquois. Si elle voulait se marier avec un carnavaleux, il fallait qu'elle signe par 4 jours. Signe. Et c'est réel, hein, ce que je te dis. Et avant, dans leur contrat de mariage, ils avaient le droit à pas la... Comment dire ça, à pas être... fidèle. Ouais, voilà. Dans le contrat de mariage, c'était marqué que c'est le droit d'être voilà. infidèle pendant leur mariage, ouais. pendant leur, les trois joyeuses, bon, pendant le carnaval. C'est un peu voilà. une légende, mais on avait le droit de bécoter, on va dire. Voilà, pas forcément se taper une nana, quoi. Mais bécoter. Par contre, si, ça c'est vrai, si la femme, elle voyait que je fais un baiser ou un zot à une femme et qu'elle m'engueule, elle n'avait pas le droit, ça. Voilà. C'est ça dans le contrat. Alors on ferait côté, bucoté, un petit bisou. Voilà. Et même la femme était là, elle disait rien. Ils sont habitués. Donc elle n'était pas jalouse. Si elle disait quelque chose, attends, voilà, c'est carnaval quoi, c'est carnaval. Le carnaval, c'est pas la bagarre. C'est, on est là pour s'amuser, ouais. pour rigoler, pour. Ça c'est la bonne relève. Voilà, c'est bon enfant. Nous on a été comme ça, élevé comme ça. C'est pas. Après, voilà. On va pas nous faire chier. Hein. Nous en première ligne, c'est les mecs qui nous cherchent, bingo. Par contre, c'est génial. Voilà. C'est. Il faut être bon enfant. Nous, les mecs qui viennent nous pousser, c'est une fois, deux fois. Si après, ils n'ont pas compris, pique, on les valse un petit peu sur le côté. Mais sinon, c'est la bonne ambiance, le respect. Nous, on est de passage. Hein, comme nos... Moi, mon grand-père était première et tout, bah, on est de passage. Et après, bah, attends, dans le ventre de ma mère, j'ai fait le carnaval. Dans les couilles de mon père, pour voilà, être bah, un ouais. peu vulgaire. Ouais, mais... ouais, pour être carnaval. Dans le ventre de ma mère. Et c'est pas une légende. Ma maman était enceinte de mes frères et sœurs. Elle était, bien sûr, elle n'allait pas dans le chahut, mais elle était au carnaval. Donc j'ai fait le carnaval dans le ventre de ma mère. Elle était à la Citadelle, et elle était à Borel, et elle était au café, et elle faisait chapelle, et j'étais dans son ventre.